éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Angela Davis, une femme dont le parcours a marqué l'histoire et qui reste une figure emblématique de la lutte pour l'égalité. Angela Davis est née en 1944 à Birmingham, dans l'Alabama, aux États-Unis. Elle a grandi dans le sud ségrégué, un endroit où les noirs et les blancs n'avaient pas les mêmes droits et où les injustices étaient visibles dans les écoles, dans la rue et dans la vie quotidienne. Dès son enfance, elle a été confrontée à ces inégalités, ce qui a profondément marqué sa vision du monde. Plus tard, elle a raconté que ses expériences l'avaient poussée à réfléchir très jeune sur la justice et la liberté et qu'elle voulait contribuer à un monde plus équitable. En grandissant, elle s'engage dans les mouvements pour les droits civiques et plus tard dans le mouvement Black Power. Mais son engagement ne s'arrête pas là, Angela Davis s'est aussi battue pour les droits des femmes et en particulier pour les femmes noires, souvent marginalisées à la fois par le racisme et le sexisme. Elle a montré que ces combats étaient liés et que l'égalité ne pouvait pas être complète si certaines personnes étaient exclues. Elle a également enseigné à l'université, écrivant des livres et donnant des conférences pour sensibiliser le plus de personnes possible aux injustices et aux inégalités. Dans les années 1970, Angela Davis devient mondialement connue après avoir été accusée d'un crime lié à une prise d'otage et à un meurtre. Son arrestation fait la une des journaux et déclenche un mouvement international pour sa libération. Elle passe plusieurs mois en prison avant d'être acquittée, mais cet épisode fait d'elle un symbole de résistance contre le racisme institutionnel et les injustices du système judiciaire. Même derrière les barreaux, elle continue de réfléchir et d'écrire sur la prison, le système judiciaire et les luttes pour la liberté. Après sa libération, Angela Davis poursuit son combat avec encore plus de force. Elle milite pour les droits des prisonniers, dénonce le racisme et les violences policières et continue de s'engager pour l'égalité entre les sexes et pour la justice sociale. Ses conférences et ses livres inspirent des militantes et des militants dans le monde entier et son parcours montre que le courage et la détermination peuvent faire bouger les choses, même face à de grandes injustices. Angela Davis est une femme qui a grandi dans l'injustice, mais qui a transformé ses expériences en engagement politique et féministe. Son histoire nous rappelle que le combat pour l'égalité, que ce soit entre les sexes ou entre les races, reste toujours d'actualité.